vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 10 mars 2023. En voici les grandes articulations. Le Burundi ne compte que 5 médecins anesthésistes et manque aussi de matériel approprié. Des défis évoqués ce vendredi lors du lancement officiel des activités de l'Association burundaise d'anesthésie et réanimation. Vous entendrez le professeur Ndarugirire François. Les habitants du quartier Nyabagere se trouvant dans la zone urbaine Guirocha s'inquiètent des actes de banditisme commis pendant la nuit et devenus courants ces jours-ci. Un reportage à suivre. En République démocratique du Congo, une nouvelle attaque attribuée aux rebelles ADF affiliés au groupe terroriste État islamique a fait au moins 35 morts et 6 blessés dans la nuit de mercredi à jeudi dans le territoire de Beni, dans le nord Kivu. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour. Le manque de personnel et de matériel sont quelques-uns des défis qui hantent le secteur d'anesthésie au Burundi, d'après le professeur Ndarugirire François. Ce vendredi, lors du lancement officiel des activités de l'Association burundaise d'anesthésie réanimation, au moment où il existe seulement 5 médecins anesthésistes opérant sur le territoire du Burundi, le professeur Ndarugirire estime qu'il faut une volonté politique pour qu'il y ait des anesthésies sûres au Burundi. Suivez-le. La pratique de l'anesthésie se fait dans tout le pays, mais c'est surtout des interventions en urgence comme les césariennes. Il y a très peu d'hôpitaux qui pratiquent des interventions programmées. Alors, cet état de fait, il est dû à quoi? Il est dû au fait qu'il y a très peu de médecins anesthésistes, même très peu de chirurgiens. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les équipements nécessaires pour faire des anesthésies, les surveiller, sont insuffisants. Ça, c'est un état des lieux qui peut être amélioré par la formation de médecins anesthésistes, la formation de chirurgiens. Les anesthésies dans le pays sont pratiquées presque exclusivement par des infirmiers anesthésistes, car le Burundi ne compte que 5 médecins anesthésistes, c'est-à-dire les 5 doigts de la main. Alors qu'en 1993, il y avait déjà 4 médecins anesthésistes et qu'il y a des gens qui ont été formés à la faculté de médecine mais qui exercent ailleurs. Donc vous voyez, c'est qu'il faut à tout prix qu'il y ait un effort qui soit fait pour former des médecins anesthésistes, car ce sont ces médecins anesthésistes qui vont former les infirmiers anesthésistes. Donc, en fait, la formation d'un médecin, vous savez, elle ne se limite pas uniquement à la sous-région. Parce que la formation qui avait été initiée à la faculté de médecine de Bujumbura, c'était aussi une coopération internationale. Que ce soit régional ou au niveau mondial, ce que nous demandons, c'est qu'il y ait un plan de formation des médecins spécialistes avec des objectifs précis. Et le fait que, justement, il y en a qui ont été formés, mais qui restent à l'extérieur du pays, est-ce que vous avez peut-être une solution à proposer par rapport non, à cela? Non, madame, ça, ce n'est qu'un constat. Parce que tous les médecins spécialistes, ils ont été formés en partie au Burundi et en partie à l'étranger. Il y en a qui sont revenus, il y en a qui sont restés pour des raisons diverses. C'est une question qu'il faudrait étudier pour voir pourquoi il y en a qui rentrent et pourquoi il y a d'autres qui restent. Mais il ne faut pas qu'on arrête la formation à cause de ça. Il faut étudier la question. Le professeur François Ndarugirire, données propres ont été recueillies par Sheila Irambona. L'association ACG Génocide et Chirimoso demande au gouvernement du Burundi de laisser les proches des victimes de 1993 à Kibimba, en province Gitega, se recueillir au site mémorial IRIG. Terence Mouchano, vice-président et porte-parole de cette association, exprime sa déception pour s'être vu refuser l'an dernier l'autorisation de rendre hommage aux leurs, alors que les autres associations en ont le plein droit. Pour lui, c'est une politique de deux poids deux mesures regrettable. Pour nous, il s'agit de la politique de deux poids, deux mesures. S'il y a lieu de réconcilier le peuple burundais, les ethnies qui sont perpétuellement en conflit, on vient de nous refuser l'an 2022, le 21 octobre, d'aller nous incliner, d'aller nous recueillir devant le site mémorial des victimes élèves Tutsi au site mémorial de Kivu, à Kibi. Mais nous avons appris par la voix des ondes. Le chef de l'État dit qu'il y a une place qui est prévue à Bujumbura, à côté du site mémorial du feu président Ndadaye et de ses compagnons de lutte, à notre connaissance, cette place date de longtemps. Il s'agissait d'une place de mettre les fraudebistes à côté de leurs leaders. Quant aux élèves et aux enseignants victimes des génocides perpétrés contre ces victimes d'élèves Tutsi de Kibimba, ils étaient dans les mains du gouvernement. Autre chose, il y a un monument, un site mémorial à Kibimba. C'est là où nous devrions nous recueillir. Nous insistons sans tergiverser de nous laisser partir, nous recueillir, nous souvenir, rendre hommage à ces victimes, élèves et enseignants Tutsi, et voir quelques voisins de cette colline de la commune Guéta qui ont été massacrés, brûlés vifs dans la station d'Ikwimu. Terence Mouchano, c'est le vice-président et porte-parole de l'association AC Génocide Chirimoso. Cette réaction intervient après l'annonce par la Commission Vérité et Réconciliation d'une campagne à venir ce mois de mars des audiences publiques sur les événements de 1972 et 1973. La mise en place d'un organe qui fournit des messages de veille à chaque instant après l'annonce de l'Idjibou sur la météorologie est d'une grande importance. Désiré Wundoyi, expert national en préparation et réponse aux urgences à la Croix-Rouge du Burundi, explique que cela aidera la population à savoir comment se préparer pour se prévenir contre les risques des catastrophes. Il a dit ce jeudi après une réunion qui a rassemblé différents intervenants dans le domaine de la prévention des risques avec la Croix-Rouge Burundi. On l'écoute. Au Burundi, le système d'alerte précoce n'est pas harmonisé parce que l'alerte précoce suppose trois temps, la connaissance du risque, la surveillance et la communication ou l'avis d'alerte. Or, au niveau de la connaissance du risque, c'est évident, les risques sont connus par endroit, mais le mécanisme de surveillance manque cruellement. Eh bien, l'avis d'alerte, là c'est normal, mais il est constaté que nous tous, nous agissons après coup. Alors, le coup de l'inaction, là, ça n'a pas de valeur. Eh bien, c'est quand la catastrophe est survenue que nous tous, nous nous agitons pour la réponse à la catastrophe. Mais, désormais, nous devons nous inscrire dans le cadre de la prévention. C'est-à-dire qu'on doit avoir un système d'alerte précoce, très, très harmonisé, surtout essayer d'affûter ce mécanisme de surveillance de la typologie de la catastrophe qui peut survenir. Quand il y a prévision saisonnée, par exemple, il manque une institution, un organe qui diffuse des messages, d'abord messages de veille, disant, comme les prévisions disent qu'il y a une forte pluviosité, 3 mois avant, chers membres de la communauté, comportez-vous comme ceci, 1, 2, 3, 4. 1 mois avant, adoptez tel comportement, 1, 2, 3, 4. 3 jours avant, adoptez ce comportement, 1, 2, 3, 4. Voilà ce qui manque. Alors, cet organe doit être impérativement la plateforme nationale de prévention et de gestion des risques et de catastrophes. Évidemment, ce n'est pas de sa faute parce que nous ne le connaissons pas. Alors maintenant, avec la Croix-Rouge et les autres partenaires, on va s'activer pour renforcer les compétences et connaissances, mais aussi pour les équipements adaptés pour la diffusion de ces messages en fonction de la prévision qui est donnée par l'IGBU. C'était Désiré Wundoyi, expert national en préparation et réponse aux urgences à la Croix-Rouge du Burundi. 13h, bientôt 5 minutes à Bujumbura et sur Isanganiro. Une courte pause et ce journal se poursuit. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Les habitants du quartier Nyabagéré se trouvant dans la zone urbaine Guéocha s'inquiètent des actes de banditisme commis pendant la nuit et devenus courants ces jours-ci. Les victimes de ce banditisme précisent qu'ils ont informé l'administration locale mais que ces dernières n'ont rien fait pour les secourir. Le chef de zone Guéocha affirme de son côté n'en être pas au courant. Il demande à la police d'agir. Les détails avec Divina Kimana, stagiaire à notre station. C'est sûr de la lamentation des habitants de ce quartier du nord de la capitale. Ces derniers évoquent des cas de banditisme qui s'observent dans les localités. Ils ajoutent que ces cas de vol sont répétitifs. Ces habitants de Nyabagel indiquent que le secours qu'ils souhaitent auprès des autorités locales n'aboutissent pas, déplorent-ils. C'était dans la nuit. Ces bandits ont creusé un trou dans le mur. Après, ils se sont introduits dans la maison. Ils ont volé beaucoup de choses comme les habits, les chaussures, ustensiles de cuisine, les machines à coudre. Je ne peux pas énumérer tout. Après le vol, j'ai informé le chef de quartier, mais il n'a rien fait. Il plaide pour leur sécurité et leur bien. Nous demandons à l'administration d'être près de nous. C'est frustrant de perdre nos biens dans ce moment où la vie est devenue très chère. Chaque fois, nos dirigeants nous encouragent d'augmenter la production. Mais s'ils ne luttent pas contre le banditisme, ce serait très difficile d'atteindre le développement durable, car ce voleur continue à nous voler. Au sein de l'administration de la zone Gihosha, l'on ignore ces cas de vol. Contacté à propos de porte-parole du ministère de l'Intérieur nous a envoyé à celui chargé de la sécurité sa succès. Et des batois de la commune Gaëtan en Provence Guitéga sont satisfaits du pas déjà franchi dans la fabrication des marmites couveuses des poussins. Le manque d'argile et les marchés d'écoulement sont certains défis auxquels ils font face malgré le caractère innovateur de leur initiative. L'administrateur de la commune Gaëtan, le conseiller du gouverneur de Guitéga chargé des affaires sociales, indique qu'il sensibilise ses batois à adhérer aux coopératives afin d'avoir des facilités pour trouver où les vendre. Jean-Marie Vianney, Ngendakumana. Ces batois de la commune Guiheta indiquent qu'ils ont commencé à fabriquer les marmites couveuses des poussins après que les coopératives d'élevage leur montrent le design de ce genre de marmites. Ils ajoutent qu'avec cette nouvelle innovation, ils ont atteint un développement. Le manque d'argile et le marché d'écoulement sont certains défis auxquels il faut face. Micheline Ninahazwa, administrateur de la commune Guiheta, fait savoir qu'au sein de l'administration, il privilégie le dialogue entre ces batois et les propriétaires d'argile. Samuel Ninahazwa, conseiller du gouverneur de la province Guitéga chargé des affaires sociales, indique qu'il sensibilise ses batois d'adhérer dans les coopératives pour développer leur travail. Du côté de l'administration, vous aussi vous avez réalisé qu'ils ont essayé de réadapter le mode de la fabrication de ces poteries. Donc, pour ne pas rester dans le mode traditionnel, c'est vraiment enchanté. Mais nous leur conseillons surtout de travailler sous forme de coopérative. Il y a moyen de suivre leur réalisation, mais aussi de pouvoir chercher des marchés d'écoulement. Aussi, l'utilité de travailler dans des coopératives ne se limite pas uniquement son marché d'écoulement. Son conseiller du gouverneur de Guitéga chargé des affaires sociales fait savoir que lorsque ces batois adhèrent dans les coopératives, l'administration peut les aider à trouver les crédits dans la banque des jeunes et celle des femmes. Actualité internationale. En République démocratique du Congo, une nouvelle attaque attribuée aux rebelles ADF affiliés au groupe terroriste État islamique a fait au moins 35 morts et 6 blessés dans la nuit de mercredi à jeudi dans le territoire de Beni, dans le Nord Kivu, selon les autorités. Les victimes ont été tuées à l'arme blanche dans le village de Mukondi que les miliciens ont aussi incendié. L'armée s'est déployée pour poursuivre les assaillants qui détiennent des otages selon le capitaine Anthony Mwalouchayi, porte-parole des FRDC dans le territoire de Beni, joint par nos confrères de Radio France Internationale. Des coups de feu ont été tirés jeudi 9 mars dans la soirée dans un centre des témoins de Jéhovah du quartier de Grossbörzer à Hambourg, métropole portuaire du nord de l'Allemagne. La fusillade a fait 8 morts, dont manifestement le probable auteur des coups de feu. C'est ce qu'a indiqué ce vendredi la police dans un premier bilan officiel chiffré. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous séparer, nous en rappelons les grandes articulations. Le Burundi ne compte que 5 médecins anesthésistes et manque aussi de matériel approprié. Des défis évoqués ce vendredi lors du lancement officiel des activités de l'Association burundaise d'anesthésie et réanimation. Vous avez suivi le professeur François Ndarugirire. Et les habitants du quartier Nyabagere se trouvant dans la zone urbaine du Gihosha s'inquiètent des actes de banditisme commis pendant la nuit et devenus courants ces jours-ci. Vous venez de l'entendre en RDC, une nouvelle attaque attribuée au rebelle ADF affilié au groupe terroriste État islamique a fait au moins 35 morts et 6 blessés dans la nuit de mercredi à jeudi dans le territoire de Beni, dans le nord Kivu. Ainsi se referme ce journal à 13h10 à Bujumbura et sur Isanganiro. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci également à Chancela Mukisha Wimana pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco de Wimana. Passez un très bon après-midi.